Du 18 au 21 courant, les agences de presse et les pages d'internet russes, japonais, allemands et du Congo démocratique ont rapporté le test intégral ou le résumé des réponses du porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée donné aux questions du correspondant de l'agence télégraphique centrale de Corée concernant la déclaration présidentielle du sommet Asie-Europe contre la Corée socialiste.